La cérémonie de la sixième rentrée de l'école professionnelle du Comité central de la Fédération pour la protection des handicapés de Corée a eu lieu le 2 courant en présence du président du Comité central de la Fédération, des nouveaux élèves, des enseignants, des élèves et des parents. Il y a eu les interventions. Les participants ont fait le tour des salles de classe et des salles de stage et assisté aux jeux sportifs et distractifs des élèves.